the shadows. Well, I just looked where I don't see. I'm still pretending I don't need you. I won't let you know you're killing me. Like some big black widow spider, you know just how to catch your prey. I'm acting like it doesn't matter, and you sneak up from behind and whisper my name. And there go your paralyzing eyes, there goes your tantalizing smile, there goes my act of playing it cool. Say, there go the games I wanted to play. There goes my heart falling for you. Think you're playing with me, darling. You like to see what you can do. Well, I should be fishing for blue marlin instead of being hooked again by you. There go your paralyzing eyes, there goes your tantalizing smile, there goes my act of playing it cool. And there go the words I meant to say, there go the games I wanted to play, there goes my heart falling for you. Bonjour à tous et à toutes, voilà donc il est 13h passé de 30 minutes, et bien voici le retour du mardi après-midi. Donc j'espère que vous avez passé bonne matinée entre 9h jusqu'à midi avec les chansons de Lionel et que vous allez le retrouver dès mardi prochain et puis aussi le dimanche entre 10h jusqu'à 12h30. Donc eh bien un petit coucou ben Lolo s'il écoute tout simplement. Voilà donc, mais pour nous, nous sommes ensemble tout l'après-midi avec plusieurs morceaux de chansons différentes. Et bien donc, sans plus tarder, je vous laisse encore avec un autre musique country. Et puis juste après, le folklore. te sens seul ce soir chez toi. T'as pas d'amis à qui parler. T'as l'âme en peine, t'as goût pleurer. Parce que ta blonde t'a laissé. Quand les néons s'allument en ville, c'est là qu'on se sent seul parfois. Je sais que la vie, c'est pas. Ça ne fait que passer. Mais et moi, je serai toujours là, près de toi, tant que mon cœur battra. Elle ne peut pas t'aimer comme je t'aime. C'est impossible, il faut que tu comprennes. Bien plus que moi, elle aura faut souffrir jusqu'à n'en plus manger, n'en plus dormir. Elle ne peut pas t'aimer comme je t'aime et brûler son cœur jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je t'aime. Merci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis donc, je vous laisse avec le rock et juste après le blues. Special inside, tempted to caress her caramel complexion, but I tried to play it cool. I didn't want to mess up the ride. Watched a few press up, but access was denied. Not the type to be easily impressed with a line. She caught me spying from a distance a couple of times. Finally, she let her guard down, came up and said hi. She said, I usually don't do this, but I want to know you. I thought to myself, I got a lot to show you. Had a sweet smile, freestyle, heart and soul too. Not knowing at the moment what we was about to go through. You're knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for. She was the right one, but it wasn't the right time. After the last one went wrong, wasn't in my right mind. Jaded by the stories that I heard through the grapevine. To trust enough to love, but what's gonna take time? Knew she wouldn't just sit and wait on the sidelines, but I needed a few minutes to get back on my grind. Paint portraits, spin wax, and write rhymes. Couldn't risk another love to make my eyes blind. Didn't wanna get caught up in it. All our friends thought that I was tripping. Knew if she was gone, I'd surely miss it. And deep down, she was sort of different. So pure and gifted that I couldn't seem to keep it moving. And she was proving that she really knew what she was doing. Her heart was true and she said, I know I shouldn't keep pursuing. But it's confusing. All I can see is you when it comes down to it. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am. And my love, there's so many ways I want. Went by going went back and forth. Still wasn't in the place to be what she was asking for. But every time we tried to let it go, our paths would cross. And we were back to where we started with no magic laws. Them laws of attraction were a magnetic force that kept bringing us together right back on course. And true love don't give a fuck what happened before. All it knows is the moment when it grabs your core. So no time for cold feet. I don't wanna leave her lost and lonely. She the only one that really knows me. The way our minds intertwine is so deep. It's like that, and I know I gotta make up my mind. Got two lines left before I finish the rhyme. And I don't wanna let her go, but watch her walk on by. So I wrote this song to let her know I'm ready, let's ride. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.

Voilà donc, après les chansons portugaises, eh bien je vous laisse du côté crooner et puis juste après le pop. Anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. You dream a while and you scheme a while, you're sure to find happiness and a guess. Well, all the things you think that are pine for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, woodwork won't sell to you, baby, till the lucky day you know down. Well, baby, I can't give you anything but love. Da da da da da da da. Da da da da da da da. See you looking swell, love you, baby. Diamond bracelets and woodwork, they ain't gonna sell to you, baby, till the lucky day you know down. Well, baby, well, I can't give you anything but love, love, love you. Baby, love, love, love you, baby, love, love, love you, baby. Do. The sweet, sweet memories you gave of me, you can't beat the memories you gave of me. Take sweet, sweet one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Fold in lightly with a dream. The memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. The memories you gave me. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet his blessings from above. You can't beat the memories you gave to me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave me. One man, one wife, one love, through life. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave me. Memories are made of this. Pensive en négligé de soi. avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, je laisse du côté du disco. live one here. Du côté du rock and roll et puis juste après du côté du Twist Madison. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Tu sais jouer au flipper, t'as toutes tes chances, sinon parce que t'as pas peur.

façon qui soit la bonne, c'est d'être deux et de s'aimer. Donc, eh bien, je vous laisse avec les chansons tout simplement soul et puis juste après romantique. Thank you. the fire. Let's go. Oh yeah. Girl, in your eyes I see a fantasy, and I got everything we need. Cheap music, I know how to use it. Let me prove it. Ain't nothing like cheap music. You're the pilot type, I know what you like. Beware. Fait mal, il a

passent, les semaines volent, mais mon cœur à toi s'envole. Comme un rêve qui ne s'éteint pas, je vis pour toi, même loin de tes bras. Ton souvenir me tient chaud, quand le monde paraît si froid. Les kilomètres ne sont que des mots, rien ne brise notre loi. Même loin de tes bras. Ton souvenir me tient chaud, quand le monde paraît si froid. Les kilomètres ne sont que des mots, rien ne brise notre. À travers la distance, je pense à toi. Ton image reste près de moi. On survole les océans, les montagnes, même loin. C'est comme si tu es. Je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie.

Arc-en-ciel. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-ciel. Et bien on continue avec bien sûr Céline Dion et puis juste après Goldman, Jean-Jacques Goldman et puis Le Compris. Donc un petit coup à Véro, tout simplement. Je te vois sourire, mais j'ai peur de la distance. On échange ces phrases, je te vois grandir, et je perds de la confiance.

combien de souvenirs sur ses bras tatoués. J'ai lancé Bye madame. Je vois tous les vents soulever la poussière, tous les bras s'envoler comme pour la prière. Je danse les yeux bandés, l'amour est dans ce bal tropical. Sentiments que l'on ressent et quand tellement belle que quand je t'aperçois, presque irréel. Je voudrais être roi pour que tu sois ma reine auprès de moi, mais je n'ose pas, je n'ose pas. T'es tellement beau, j'aimerais être un oiseau pour m'envoler au sommet les plus hauts, et sous ton aile, je défierai le ciel, mais je n'ose pas, je n'ose pas. Les plus belles histoires d'amour sont faites pour durer toujours. Sans pas l'amour revient, il nous ressemble.

J'aurais su vous pardonner. Je serai moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans tes mensonges qui tuaient. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève.

Candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. Candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Si froid dehors, ne ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Je vis jour en jour, squat en squat, un gros bâtiment. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est que j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, se prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si froid dehors. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi un mot, c'est dur,

underground in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les regards se croisent, l'instant est unique. L'énergie nous porte, on vibre à l'unisson. Ensemble on est invincible, emporté par le son. Nous on est quand la musique bouge. Quand tout s'agite et que les voyants sont rouges. On se perd dans le tourbillon. Ensemble on forme une explosion. On oublie les heures, les moments sont intenses, on vit sans peur. Chaque instant est un défi, une aventure. On savoure cette frénésie, la tête haute et sûre. Les couleurs explosent, amis, est un feu d'artifice. On se laisse emporter par ce tout vertige. Les souris illuminent nos visages. dans ces folies, on écrit notre page. Nous on est quand la musique bouge, quand tout s'agite et que les voyants sont rouges. On se perd dans le tourbillon, ensemble on forme une explosion. On garde en nous ces instants brûlants. La vie est plus belle quand on ose, quand on s'abandonne, quand on explose. On continue de suivre cette énergie, sans jamais s'arrêter, sans compromis. Les souvenirs restent. Voici donc qui s'appelle tout simplement le titre Rouler jeunesse avec la vie à l'amour. On me dit que l'amour c'est pas toujours la joie, non pas toujours la fête. Mais moi c'est avec toi que je vibre à chaque fois et je veux pas que ça s'arrête. Et c'est peut-être long, c'est vrai. Et c'est peut-être fou. Et c'est peut-être con, je sais. Mais je t'aime comme un fou. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines. À nos emmerdes, à la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aimait, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aimait, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aimait, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aimait, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. On me dit que l'amour peut venir tous les jours et ne pas rester là, mais moi pour rêver d'amour j'ai besoin de te dire que je ne partirai pas. Et c'est peut-être long, c'est vrai. Et c'est peut-être fou. Et c'est peut-être con, oui mais quand on s'aime on s'en fout. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Il est 16h52 minutes. Cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver mardi prochain.